T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie, c'est l'épisode numéro 384. Comme vous le savez certainement, on se retrouve chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour partir ensemble à la découverte du meilleur du monde, du fabuleux monde musical indépendant, du monde musical alternatif, en tout cas de la musique que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et cette émission-ci, c'est la 384e, donc cette émission-ci ne fera donc pas exception à la règle, on va encore entendre pas mal de bonnes choses. Allez, je vous donne quelques noms. La Toya Star, on écoutera les Tomboys et puis une autre nouvelle venue qui s'appelle Zoé Schwartz. C'est très bien, c'est un potentiel powerplay pour une future émission. Et puis vous nous écoutez donc sur les ondes de RGL, vous pouvez aussi nous écouter via internet ainsi que sur le câble de télédistribution DPT et de Proximus aussi en Belgique, si je ne m'abuse. Donc aucune excuse pour ne pas nous rejoindre chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Et puis c'est jour de braderie aujourd'hui à Chifflange. Bon, la météo c'est pas super top, mais voilà, vous nous écoutez peut-être dans la rue et on en est ravis. Alors je vous propose de commencer la programmation musicale de ce soir, eh bien sans plus tarder, on va écouter Henrik Blomqvist. C'est pas facile à dire, il est suédois. Henrik Blomqvist avec ses amis avec le morceau Pain That Gains, et on commence tout de suite avec le groupe This Human Condition et un morceau qui s'appelle Brother Blue. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusque 18h30. Against the wall, just to get some sleep. You close your eyes. Mood depends. Robert Bashinsky from Rigel. You're listening to Planet Indie, the leading European independent radio show. Hi, my name's Derek from Social Science, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Din Machine, and you're listening to Planet Indie. À l'instant dans nos oreilles, c'était le Kurt Dimmer Band avec Hot Hair, et puis on a commencé cette émission avec This Human Condition, et puis entre les deux, c'était Henrik Blomqvist et ses Friends avec Pain That Gains. J'espère en tout cas que la programmation musicale, en tout cas le début de programmation musicale de ce soir vous plaît. Si c'est le cas ou si c'est moins le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez nous passer un petit coup de téléphone si vous le voulez au 26 54 00 44. 00352 26 54 00 44, ou alors eh bien vous passez par Facebook, notre page Facebook, vous tapez Planet Indie et puis vous rejoignez le groupe et puis vous pouvez laisser vos commentaires. D'ici quelques minutes, eh bien nous partirons à la découverte de notre album Powerplay. Aujourd'hui, eh bien il s'agit d'un album qui va nous emmener du côté de Nashville. Je ne vous en dis pas plus, c'est pour dans quelques minutes. Pour l'heure, une nouveauté, je pense qu'on l'a découverte le mois dernier. Elle s'appelle Manon Tanguy, c'est frais, c'est gentil. Manon Tanguy avec Sous les vagues de minuit, Et puis comme c'est place aux femmes, après on écoutera Juliana Lilvic et Murky Waters. La nage et laisser dans les abysses quelques indices. Qu'espères-tu trouver? Qu'espères-tu trouver? Qu'espères-tu trouver? Your pearls in these murky waters. C'est un morceau que je trouve personnellement assez fantastique. Elle s'appelle Joanna Lil Vick. Elle nous interprétait Murky Water, cet extrait d'un non moins fantastique CD 5 titres. C'est dommage qu'il n'y ait que 5 titres, hein, parce que ça pourrait faire un très très beau powerplay. C'est un morceau que je devais vous passer il y a un mois ou deux de cela, et puis on s'est trouvé à court de temps, et donc je me suis juré de la reprogrammer. Donc voilà, c'est chose faite. 17h26, il est grand temps de passer à la découverte de notre album Powerplay. Et puis comme je vous le disais en commençant cette émission, aujourd'hui nous allons partir du côté de Nashville au Tennessee. Alors il s'agit de l'album de Graham Perry, un album qui s'intitule Jambon Gris. Vous saurez tout à l'heure pourquoi il a donné ce nom un peu original, on va dire, à son album. Graham Perry, c'est un vétéran de la scène rock de Nashville, puisqu'il a commencé sa carrière au début des années 80, époque à laquelle, eh bien, il était le leader du groupe Roots Rock, un groupe qui s'appelait Order of Silence, et en même temps, il faisait partie d'un duo darkwave qui s'appelait Greek Life Aquarium. Bah oui. Dans les années 90, eh bien, l'ami Graham, il a conclu un contrat avec une maison de production qui s'appelait Crutchfield Music Publishing Partners, pour ceux qui sont un peu branchés sur la scène plutôt country de Nashville. Crutchfield, ça fait référence à Jerry Crutchfield, qui est un légendaire producteur de musique country. Et à cette époque, eh bien, il a aussi commencé à travailler, à enregistrer avec comme producteur et guitariste Martin Crutchfield, qui n'est autre, eh bien, que le frère de l'autre, un guitariste, eh bien, qui a aussi travaillé avec des gens très connus comme par exemple Eric Clapton, pour n'en citer qu'un. Le projet Graham Perry et Martin Crutchfield à l'époque s'appelait Liquid Gypsy, bah oui. Et eh bien, ils ont enregistré pas mal de chansons et qui ont été écrites et composées pour le groupe Americana de Graham Perry qui s'appelle Tucson Simpson. C'est un peu compliqué à suivre toute l'histoire, mais bon, bah, on va se reposer avec ça et on va en écouter un premier extrait qui, si vous le voulez bien. Donc je vous rappelle le nom de cet album, il s'intitule Jambon Gris, bah oui. Et le premier extrait que je vous propose aujourd'hui, il s'intitule Find You, c'est notre powerplay aujourd'hui pour l'émission numéro 384 de Planète Indie. Powerplay. Powerplay. If I could find you, Il s'appelle Graham Perry, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie avec son album Jambon Gris, et là à l'instant c'était Find You. Si vous vous souvenez le mois dernier, je vous avais parlé du dernier concert de Toons Van Zandt qui s'est tenu le 3 décembre 1996 à Londres, et puis Lowlands avec ses amis a décidé de rejouer le set complet de ce concert. On en a écouté un premier extrait il y a un mois. Je vous propose de retourner sur ce CD qui n'est pas mal du tout et qui nous rappelle de bons souvenirs. Waiting Around to Die, bah oui, c'est un peu d'actualité dans le cadre de la production de ce CD. Lowlands and Friends qui rejoue le set complet du dernier album de Toons, du dernier concert de Toons Van Zandt à Londres. Waiting Around to Dive, et puis après ce sera Anton Walgrave et Longing. Sometimes I don't even know where this old road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. Figure I'll keep on rambling. Lots of booze and lots of gambling. It's easy just waiting around to die. I had them all, I even had a paw. He beat her with the belt once cause she cried. She told him to take care of me. She headed down to Tennessee. It's easier than just waiting around to die. And I met a girl in Tuscaloosa bar. She cleaned me out and hit on the slide. Trying to kill the pain. Lots of wine and hot to train. This season just waiting around to die. Ray said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? He caught up with me, drug me back to Muskogee. It's 2 long years just waiting around to die. My name is Aradia, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Selena Martin from Toronto, Canada, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Arda and the Stolen Moon, and you're listening to Planet Indie. Not enough. Oh, my trees will bend and break until our hearts are borne away. Oh, my love, when will it hurt when things get rough? When will we know it's not enough to just bury what's been lost? Oh, my love, we're waiting for the world to shake, waiting for our souls to break, waiting for our hearts to awake. Très belle balade que ce morceau Longing de Anton Walgrave, extrait d'un album qui s'intitule Where Oceans Meet. Bah oui, c'est assez relaxant. Et puis avant cela, je vous rappelle, c'était Lowlands and Friends qui rejouait le dernier concert de Toon Van Zandt. On écoutait le morceau Waiting Around to Die. Avant de retourner sur notre album Powerplay, on va se réveiller un petit peu avec un groupe brésilien qui fait du rock. Eh oui, c'est pas de la samba, c'est du rock et ça bouge assez bien. Il s'appelle Bolba. Le morceau s'intitule One Man Army. Et puis après cela, on écoutera John Rice avec Like a King. And everybody's on the run. Run for your life, sir, come undone. You've got me shooting with a gun. And all those wanna have been fun. I think that I should let you know. Is there some fear in your soul? Then all you people never grow. And your brows will never glow. Your shining tears are gonna show. Underneath this goddamn soul, but I can play some rock and roll to make these awkward feelings go away. Oh,

Like a King par John Rice. On est pile poil à la moitié de l'émission, en tout cas au niveau de la programmation musicale, parce qu'au niveau du temps, on est un tout petit peu en retard, 3 minutes en retard, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. On retourne sur notre album Powerplay, l'album de Graham Perry, un album qui s'appelle Jambon Gris. On s'est arrêté tout à l'heure au début de l'aventure contemporaine, on va dire, de Graham Perry avec son groupe les Tucson Simpson, ce groupe qui a vu le jour en 1998. Le premier album du groupe est sorti en 2003, il s'appelait Hot Town. Il a grimpé jusqu'à la place numéro 14 lors de sa première semaine après sa sortie dans les charts CMJ, c'est les College Music Journal, donc c'est les diffusions dans les radios universitaires. Il a aussi atteint la place numéro 23 dans les charts Americana. Ensuite, eh bien, ils ont sorti un autre album qui s'appelait Rain Shine, qui a aussi eu pas mal de succès dans les radios universitaires et les radios communautaires, notamment aux États-Unis. Les influences musicales de l'ami Graham Perry, eh bien, elles sont assez larges. Elles vont de la soul en passant par la new wave, la rock du sud des États-Unis, la pop britannique et indépendante, la country et même le bluegrass. Il a joué et enregistré avec une multitude d'autres artistes indépendants, notamment la légende de Memphis, Van Duren. Il a joué avec le clavier des Allman Brothers, Johnny Neal. Il a fait son apparition, il a été joué dans plusieurs émissions de télévision, comme par exemple Toddlers and Tiaras, Dance Moms, Bad Girls Club, Extreme Makeover Home Edition et même le Real World de MTV. Dans la vie à côté de la musique, eh bien, Graham Perry, croyez-le ou non, il est conservateur de musée à Nashville, bah oui. Et il s'agit du Tennessee State Museum et il a aussi publié plusieurs articles dans son domaine de prédilection et de spécialité qui est l'histoire afro-américaine. Voilà pour l'heure. Je dois encore. On parlera encore un peu plus longuement de cet album tout à l'heure. Pour l'heure, eh bien, on écoute un second extrait qui s'intitule Lil Lolita. Je vous rappelle, il s'agit de Graham Perry et de son album Jambon Gris. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Little Lolita, sweet little senorita, little Lolita, quit your looking my way. You're stealing my thunder, seeking to take me under, making me wonder with these games that you play. But if we were living back in the Victorian era, you could be my sweet 17. If it were possible, nothing you say would be sweeter. But today they say it's quite the extreme. Down in the Garden of Eden, hanging out with the serpentine. Don't you force your fruit on me, little Lolita. Senorita, little Lolita, won't you leave me alone? I barely met ya, but I must never let ya. Gotta forget ya, cause I'm accident prone. But if we were living back in the Victorian era, you could be the Emperor's Queen. If it were possible, nothing you do could be sweeter. But today they say that's far too obscene. Down in the Garden of Eden, hanging out with the serpentine. Don't you force your fruit on me, little Lolita. Oh, little Lolita. Une autre nouveauté dans l'émission de ce soir, enfin de ce soir, de cette fin d'après-midi, elle s'appelle Latoya Star. Et le morceau qu'on écoutait, c'était la version radio du morceau No Competition. Pour le, on va poursuivre avec cet artiste dont je vous avais parlé le mois dernier, puisque j'avais été voir le concert. Maintenant, le nom m'échappe. Comment s'appelait-elle déjà ? Je ne sais plus. Enfin bon, elle, en tout cas, elle s'appelle Denis Bonnet. J'espère que je ne suis pas en train d'attraper Alzheimer. Hein. Bon, pour l'heure, elle est aussi violoniste et elle a sorti un album qui s'appelle Bright Shiny Objects. C'est une violoniste un peu fofolle. Et d'ailleurs, elle sera en concert dans la région, en tout cas en Belgique, en Pays-Bas, Allemagne, d'ici peu. Je pense que ça va se passer au mois de juin. Donc, on aura peut-être l'occasion de la voir en interview dans cette émission Planet Indie. Reste donc branché pour les dernières informations. Pour l'heure, on l'écoute avec le morceau Bright Shiny Objects, Denis Bonnet, et puis après cela on écoutera les Tomboys et le morceau All All Dressed Up. Yeah. position? I don't know. Donc c'était les Tomboys avec All Dressed Up. D'ici quelques minutes, retour sur l'album Jambon Gris de Graham Perry. Avant cela, on écoute un potentiel futur powerplay. Elle s'appelle Zoe Schwartz. This is the life I choose. Super morceau. Living in a half light, oh, that ain't right. Backstreet alleys, broken guitar strings, dark, lonely rooms, the home of the truth. I'm a blues woman. This is a life I choose. Discerning people, breaking the mold. The mainstream doesn't live here. Dimly lit rooms. Forgotten places so full of life, artistic souls playing from the heart. I'm a blues woman. This is a life I choose. Living on a shoestring. vous avais dit que c'était un super morceau. Ça me fait du mal de le couper, mais malheureusement, il est super long. Il fait plus de 6 minutes et on est un petit peu en retard. Donc, je vous promets, on le réécoutera une prochaine fois. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un potentiel futur powerplay. Je vous rappelle son nom, elle s'appelle Zoe Schwartz. L'album s'intitule Blue Commotion. Et nous, on écoutait le morceau This is the life I choose. Retour sur notre album Powerplay. Il s'agit de l'album Jambon Gris de Graham Perry. Vous avez peut-être maintenant compris pourquoi cet album s'appelle Jambon Gris, puisque Graham, si on prononce à la française, Graham, si on traduit Graham, ça veut dire jambon gris. Voilà, c'est l'explication. Il a découvert ça, Graham Perry, que son prénom voulait dire jambon gris. Et donc, il s'est dit, ben voilà, c'est pas plus mal d'appeler mon album comme ça. D'autant plus que sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle Don't Eat the Cow, qui est un peu l'hymne des végétariens, ne mange pas de vache. Je vous ai mis sur la page Facebook, pas une vidéo, mais un lien qui vous permet d'écouter l'album en entier, donc faites-vous plaisir, allez voir. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à lui dire non plus, puisque Graham Perry fait partie de notre groupe dans Facebook, sous le nom de son groupe Tucson Simpson, donc vous pouvez le féliciter directement. Si cela vous chante... On écoute donc un troisième et dernier extrait pour aujourd'hui qui s'appelle Gary. Si le soleil n'est pas présent aujourd'hui dans le ciel ici à Chifflange, eh bien il va être là dans la musique. Vous allez voir, c'est un morceau un peu plus soleil que les autres morceaux qu'on a entendus de cet album. Je vous rappelle donc son nom, Graham Perry. C'est ton album Powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, un album qui s'intitule Jambon Gris. Power play.

borrow so few. If we can borrow some wheels and make some deals, that might be our salvation. Sell that idea we had last year could keep us from starvation. One more shot at a fortune, one more spin of the wheel. This time there's nothing left to go wrong, so cut the cards and deal. Nothing left to go wrong, so cut the cards and deal. Just one more shot at a fortune, one more spin of the wheel. This time there's nothing left to go wrong, so cut the cards and deal. Il s'appelle Steve McNaughton, c'est la première fois qu'on l'écoute dans Planet Indie et le morceau s'intitule One More Shot. 18h23, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. On va passer en revue bien la programmation chez notre partenaire de la Rocale. Alors aujourd'hui c'est les 24 heures électroniques, donc vous pouvez encore assister au concert de ce soir. Demain les Cranberries, le 8 mai, donc c'est lundi, les 24 heures électro mais pour les kids, le 9 mai Placebo, le 10 Snarky Puppy, le 12 ce sera Dead Sinners, 18 mai Noah Moon, le 20 mai Zöhne Mannheims, le 25 Dorge, le 26 Periphery, le 27 c'est la venue de Deep Purple, 28 mai Matt Giesinger, et puis le 30 mai Be a Hero, c'est des ateliers et des concerts pour les enfants. Et ça se prolonge d'ailleurs jusqu'au 1er juin. Le 2 juin, c'est Jane. Le 3 juin, Wealthy Arms. Le 7 juin, Eivor. Et le 12 juin, Green Day, mais c'est complet. Et puis tant qu'on en est à parler du mois de juin, eh bien notre prochaine émission se tiendra quant à elle le 3 juin. Je vous propose de poursuivre en musique avec le morceau Pagliacci, un morceau qui s'intitule Wise Men and Lunatics. Et comme leur nom ne l'indique pas, ils ne sont pas italiens, mais ils sont ukrainiens. So many paths you can take. Oh, such a lonely place, this world, what a foe to face. Wait, it is not too late, spare yourself our fate. Wise men and lunatics, angels with broken wings. It was blind for the one thing that matters. Saving the world, you were lost, you were hurt. Could a blind man have done any better? Et bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de la programmation de cet épisode numéro 384 de Planète Indie. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Encore une petite chose à vous annoncer, vous le savez peut-être si vous nous avez suivis depuis toutes ces années, puisqu'on a écumé quelques stations de radio ici en Belgique, en France et au Luxembourg. Cette année, c'est le 20e anniversaire de l'émission Planète Indie. Donc je suis en train d'essayer de préparer une émission un petit peu spéciale, rétrospective sur ces 20 dernières années, et je pense je vais probablement pas le faire cet été, mais à la rentrée, mois de septembre, octobre, je vais peut-être faire une ou deux émissions spéciales sur ces 20 dernières années. Donc restez branchés chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30, vous nous rejoignez sur Facebook, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Et notre prochaine émission donc se tiendra le 3 juin. D'ici là, je vous propose une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, eh bien, on se retrouve dans un mois. Et on se quitte avec un morceau de Lamar D. Soul. Ça s'appelle Yed Soul. Voilà, bonne soirée, à bientôt.